L'actualité à Nancy et ailleurs. Et je choisis de vivre, c'est un film de Nance Thomaset et Damien Boyer. C'est à voir le jeudi 21 septembre à 20h à la Filoche à Chaligny. C'est un rendez-vous proposé par le CIAS Moselle et Madon. Le CIAS, c'est le Centre Intercommunal d'Action Sociale, avec les associations Les Rires d'Anna et Le Jour d'Après, et la coordination Petite Enfance Parentalité de Terre de Lorraine. Pascaline Riozo, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Les Rires d'Anna, votre association qui fait depuis 2016 donc de la prévention pour éviter la mort subite du nourrisson, et vous avez depuis fait de nombreuses actions. Oui, oui, que ce soit des actions de prévention auprès de tous les professionnels de santé et des actions aussi sportives pour soit débloquer des fonds, soit pour se lancer des défis et montrer un chemin pour dire que voilà, tout est possible et que malgré la perte d'un tout petit, on peut essayer de s'en sortir. Et le sport fait partie de ces défis-là. Et ce film, bien sûr, reprend cette thématique de « on peut s'en sortir, on peut continuer de vivre après la perte d'un enfant ». Oui, les gens ont souvent peur quand on leur parle de ce film. Ils sont un peu réticents à dire « on ne va pas aller voir un film comme ça ». Et finalement, en fait, c'est un film plein d'espoir. Vraiment, quand on en sort, il y a quelque chose qui a changé en nous. Alors, c'est sûr, on va rire, on va pleurer aussi, ça c'est certain. On ne peut pas dire qu'en allant voir un film comme ça, avec les témoignages de parents, on ne va pas pleurer. Mais il est plein d'espoir et plein d'humanité. Donc, il donne vraiment des clés, que ce soit professionnels qui vont être confrontés à des parents qui ont vécu ça, ou même soi-même en tant que personne. Vraiment, c'est un film qu'il faut aller voir. Et c'est pour ça que ça nous tenait à cœur depuis plusieurs mois d'organiser cette projection. Et là, ça devient réalité avec en plus un grand partenariat. Donc, on espère vraiment qu'on aura du monde. Vous l'avez découvert comment, ce film ? Ce film, je l'ai découvert grâce à l'association Le Jour d'Après qui avait fait une projection à l'UGC à Nancy. Et du coup, on avait été le voir avec ma belle-mère et on avait vraiment été époustouflés. Quoi. Parce que même moi, qui ai perdu un enfant, j'avais une certaine réticence à y aller, j'avais un peu peur à y aller. Et c'est vrai que franchement, quand on est sortis, on était vraiment touchés, émus de voir autant de témoignages différents de parents qui avaient vécu la même chose que moi. Et j'ai une amie qui l'a regardé récemment, parce que moi j'ai le DVD, et elle m'a dit, après, elle a mis quelques semaines à vraiment se lancer. Un jour, je lui ai dit, tu l'as regardé? Elle me dit, non, je vais le faire. Et du coup, elle s'est lancée le soir même et elle m'a dit, il devrait être obligatoire, même dès le bac et pour tous les professionnels, les médecins, en fait, il devrait être au programme, ce film, parce que il est tellement humain, tellement plein d'espoir, tellement, voilà, elle manquait de mots même pour dire tellement ce film l'avait touchée et qu'elle le trouvait formidable. Donc, j'espère que c'est ce message-là que les gens vont entendre pour venir le voir. Donc, la projection, c'est le jeudi 21 septembre à 20h à la Filoche à Chaligny. On peut inviter les auditeurs à aller voir la bande-annonce. On le mettra sur la page en même temps que le podcast de cet entretien. On va suivre donc le parcours d'Amande, c'est ça? Qui a perdu son enfant. Voilà, elle a perdu son enfant et elle va se lancer dans un parcours un petit peu comme un pèlerinage pour essayer de comprendre ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, comment est-ce que c'est possible de s'en sortir. Elle va aller en fait à la rencontre, tout simplement, étape par étape, par une longue marche, d'autres parents. Donc elle va rencontrer des mamans et des papas de tout âge, des familles, et elle va aller recueillir ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, comment ils s'en sont sortis. Enfin, c'est très très diversifié et chacun a vraiment un ressenti différent. Et à la fin, ils se retrouvent tous. Enfin voilà, c'est vraiment très très. Je manque de mots pour vous expliquer même ce qu'on ressent tellement c'est puissant et intense dans l'échange qu'elle a avec les autres parents. Voilà, elle est accompagnée dans ce parcours par un ami d'enfance qui se trouve être Nance Thomaset, qu'on connaît déjà par l'émission Nuit Écolotée qu'on peut découvrir sur France 5. Et il participe bien sûr. Il y a toute cette sensibilité aussi qu'on lui connaît et qu'on connaît de cette émission et qui transparaît dans ce film aussi. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que voilà, il y a une grande humilité, une grande sensibilité, des grands moments d'écoute en fait et de calme et d'apaisement. En fait, c'est un film qui est très en paix en fait avec la mort et qui l'aborde de façon très paisible, très douce, très très calme en fait. C'est vraiment il y a quelque chose qui amène de la douceur et de la sérénité. C'est aussi la tranquillité des paysages, ça se passe dans la Drôme, je crois, le film, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ah bah, c'est vrai que dans son parcours, elle va en quête vraiment en pleine nature, quoi. Elle est vraiment à se ressourcer, à retourner à l'essentiel. Voilà, la base de la base, c'est la nature, c'est le vivant, ce sont les arbres, ce sont les chemins en montagne, ce calme et cette puissance que peut dégager vraiment l'intensité de la nature, c'est quelque chose qui ressort énormément dans le film. Et Je choisis de vivre, donc un film de Nance Thomasset et Damien Boyer. On le rappelle, c'est à voir le jeudi 21 septembre à 20h à La Filoche à Chaligny. Est-ce qu'il faut réserver sa place pour cette projection? Alors c'est plus pratique pour nous il y a un lien, il y a un QR code sur l'affiche, il y a une adresse mail. Pour nous, l'organisation, c'est plus pratique que les personnes réservent. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé et l'entrée est gratuite. Et au-delà de la projection, il y a bien sûr un échange, c'est un ciné-échange. Au-delà du film, on pourra parler autour de ça. C'est ça, bien sûr. Alors nous, on va dire les gens qui veulent partir, et aucun souci. Il y a des gens qui seront peut-être tellement émus qu'ils préféreront s'éclipser et sortir. Mais ceux qui veulent rester pour un temps d'échange avec l'association le jour d'après et moi-même, on se tiendra disponible pour échanger avec les personnes qui étaient présentes sur le film. Le sentiment qui vous a resté à la fin de ce film, c'est quoi? C'est l'espoir. L'espoir et la vie. Et l'association donc Les Rires Nana que vous présidez, vous avez d'autres projets pour les semaines, les mois à venir? Oui, c'est très bien que vous m'en parliez parce que le 16 septembre, le samedi 7 septembre, on sera aux journées portes ouvertes de Majorelle, toute la journée de 10h à 17h30. Le 18 septembre, donc le lundi après-midi, accompagné du docteur Anne Borsadorian et de Marine Boll, on fait une conférence toute l'après-midi à la maternité de Nancy dans leur amphithéâtre. Donc c'est assez chargé. Après, il y a la projection du film. Et puis, on a d'autres dates prévues aussi sur Lunéville pour de la prévention. Et d'ici la fin de l'année, on reprendra le tournoi futsal, le repas dansant début d'année. Et puis après, ça repart. Mais on a au moins une à deux interventions par mois. Donc c'est assez chargé. On est assez chargé quand même. Pour suivre votre actualité, alors, on n'hésite pas à vous suivre sur les différents réseaux sociaux. Oui, donc sur Facebook, la page Les Rires d'Anna, ou sur Instagram, c'est à mon nom, c'est Pascaline-8BRS, pour suivre toute l'actualité de l'association. Et bien sûr, la date, c'est le jeudi 21 septembre à 20h à La Filoche à Chaligny pour « Et je choisis de vivre », donc un film de Nance Thomasset et Damien Boyer, un film sur le deuil à la fois sensible, émouvant et rempli d'espoir. Merci beaucoup Pascaline Brioso. Merci à vous pour ce temps d'échange et j'espère que les gens auront été convaincus de venir voir ce merveilleux film. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.